passé. Ah mamie pas bien, là je suis perdu, je suis dépassé. C'est pour l'oublier, c'est hyper dur, elle fait mal à la tête. Elle veut niquer mon liquide, quand elle marche à la tête. Elle met un pull pour cacher son liquide. Mais maléfique, tu l'emmènes au carré vif ou bien dans les îles. Elle est magnifique, mais maléfique, tu l'emmènes au carré vif ou bien dans les îles. Oh là là là, elle est magnifique, mais maléfique. Oh là là là, elle est maléfique, ouais, c'est comme ça les filles. Oh là là là, elle est magnifique, mais maléfique. Oh là là là, elle est maléfique, ouais, c'est comme ça les filles. Je veux pas laisser mes sauces pour une tasse paix. Là j'ai pété ma tête, vont se taper. Elle est passée dans ma tête, ça m'a vu cabrer. Elle veut que je la suravie, elle est pas prête. Elle est trop nouveau de faire des bêtises dans du spell en compo. Elle cherche les Bretlin. Elle est trop nouveau de faire des bêtises dans du spell en compo. Elle cherche les Bretlin. Moi je te maillais, finir à la playa. Mi ami, Dubaï, Pattaya. Elle veut marier, va finir à la playa. Elle va finir à la Zaya. Elle est magnifique, mais maléfique. Tu l'emmènes au carré vif ou bien dans les îles. Elle est magnifique, mais maléfique. Tu l'emmènes au carré vif.